بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نصوب تمارين الدرس الثالث. Corrige les exercices du troisième درس qui était في الدكان. Et donc الدكان sans شدة sur le كاف. شدة sur le كاف. C'est الدكان. على وصفه عالي. طيب اولا تتي لي اسئله في التكست هجيب الاسئله التاليه هذا فعلت نعم طيب تفضل ماذا راى مصطفى في الدكان كيف مصطفى بدون دكان راى فيه انواعا من الملابس من الملابس من الملابس يا ال من الملابس المختلفه لا يا ال كي رونتري كون اللي رونتري اللي مجهول هيك كسره من الملابس المختلفة نعم tu l'as vu différentes sortes de ملابس كيف كانت إجابة حسن comment fut la réponse de حسن قال جميع جعلتم قال عسى أن نجد فيه ما نحتاج إليه نعم c'est ce qu'on trouve ce dont on a besoin كيف استقبلهما التاجر comment le commerçant les a reçus ايش قال قال مرحبا تفضل تفضل ماذا تريدان نعم bienvenue à vous donnez-vous la peine que vous voulez tous les deux كيف طيب ماذا يريد حسن شراءه كيف حسن veut acheter يريد سراويلا سراويلا سراويلا فبيجي يريد سراويلا من من الصوفي وقميصا من القطن سراويل دو صوف سادير دو لين اي قميص ان قطن ما مقاس كل من السراويل والقميص سي كو لا تاي دو شاكان فامي لو سراويل و القميص مقاس سراويل السراويل السراويل بوكو باسكو يا ريف ايوا باسكو يا ال انا جي في سابيتي بس مناقص السراويل ب 36 36 36 راس خبر ولا خبر مثل ما هو خلاص ان شاء الله نجرب 36 بوصة بوصة بوصة نعم وما مقاس القميص 12 12 بوصتين. طيب. En vrai, on devrait dire snatin, parce que boussa, c'est un féminin. Et l'autre, on devrait dire sittun wa thalathun, dans les règles du chiffre, c'est comme ça qu'on devrait dire, parce que boussa, c'est un féminin. Donc le dénombré le contredit en genre. Ma loun alladhi yufaddilu hasanun lil sarawil wal qamis, qui est la couleur que Hassan préfère pour le saraouil et le kamis. Al-aswadu lissaraouili wa al-azraqu ou al-azraqu ou al-bunniyu le kamis. Le bleu, le noir pour le saraouil et le bleu ou le marron pour le kamis. Maza qual al-bari'u li Hassan. Qu'est-ce que le vendeur a dit à Hassan? Je sais pas. Il a parlé deux fois, je pense, si j'ai bien vu. Il a dit Marhaba la deuxième fois. Si, si, si. Pour les tailles. Ah. Abdallah a dit El Malabis. Ah oui. Non, Abdallah a dit El Malabis. Bella, il a dit Hassan. Ouais. Il a dit Mal. Attendez. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Tafaddalah, elle dit, ouais, c'est mal précisé. Donc, lui dire, c'est pas forcément Hassan, c'est aux deux, là, tu parles. Ali, qu'on a le jumla. Tafaddalah, elle dit, il y a le malabisou, ou elle dit, qa'imatou, elle as'ar. Non. Voici les vêtements et voici la liste des prix. هل يريد مصطفى شيئا؟ أصل مصطفى بكلكو شوز؟ نعم يريد كما حسنه كحسنه كحسنه وتقول كما أراده حسنه وتقول مثل حسنه أراد مصطفى مثل حسنه يقول لكم مش كم حسن كيف كانت الأسعار؟ كم هو التليقي؟ غالية غالية شعر كيف باعهما التاجر؟ كم هو الفندور لغة الفندور؟ ما باع شيء إلا؟ ما لك؟ لا بسرعة عالية هذه ولقد بعتكما بسعر رخيص هذا فعل Je vous l'ai vendu à prix réduit. Ah, je l'avais pas cher. Dit la prochaine fois. Ça. De quoi? Hein? J'avais même pas compris. Ah, ouais, oh, c'est trop cher. Non, mais je vous ai vendu à prix pas cher à la base. Moi, j'avais pas compris. Allez. Malik. Thumma, c'est lequel que tu n'as pas vu? Après, il y avait tous ceux qui sont sur le. Al-Khamis. Khamis, j'ai pas fini. Tu fais une phrase qui commence par Asa N. خمس جمل تبدأ بعصا أن. فأنت شو بقى بيزيد؟ سهل. من أيام عصا أن نذهب عصا أن نذهب إلى مطعم بعد الدرس. بعد. بعد الدرس. أيوة ترجم. Il se peut que l'on parte au restaurant après le dîner. طيب ثم. عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. Est-ce que quelque chose qui soit mieux aussi? Vous dites quelque chose qui soit meilleur pour vous? عسى أن تكره تحب شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم تعلمون. أحسن ترى. Allez, avant, improvise. Facile. عسى أن ندرس كتاب التوحيد على العالم. أيوة. بس بقولك نتجمع كتاب التوحيد على العالم. أيوة. بقي واحد. عسى أن الشيخ يتأخر في الدرس. عسى أن تأخر الشيخ في الدرس. يسبك الشيخ في المنتهى الدرس. ثم ما قلناش السادس. السادس. هو لا فرنسا. السادس. Mais de remplir les mots de les mots correspondent. Je crois que ça je devais faire. C'est ça. السادس. Ouais. J'ai fait. تفضل. الجملة الأولى. سافر حسن إلى مدينة. عسى أن يجد عملاً. طيب نعم. سنستطيع عسى كلمات ك حسن إذا بقى المدينة يسبق يدخل الخارج. طيب ثاني. يزرع الفلاح قطن القطن. أيوة. le paysan ou l'agriculteur cultive le coton. أحسن. c'est coton qu'il fallait mettre. ثالثاً. يحتاج الطفل اللبن أكثر من الشاب. نعم que l'enfant bas âge a plus besoin du lait que le jeune. رابعا إن أسرع الخضروات غالية اليوم. نعم certes les prix des légumes sont chers aujourd'hui. خامسا لا أحب أن أنظر إلى اللون الأسود. Je n'aime pas regarder la couleur noire. Ça a dit ça? باعت التاجر كل ما معه من أحذية. Tu peux le. T'as mis quoi? Pas entendu? Oui, باعت. Ah, oui. Que le commerçant a vendu tout ce qu'il avait comme chaussures. Ensuite, أحب صديقي. لا. أجاب صديقي بأنه لا يريد شيئا. On a bien répondu qu'il ne voulait rien. ثامنا. مقاسات الأحذيتي ليست واحدة واحدة. نعم طيب شوف شنو خبرك. تاسعا نقص السوار السراويلي 36 12 صفر. Ouais, ça qu'on est allé. En fait, tu dis pas 6 tonnes, tu dis 6 tonnes. Ah ouais, 6 tonnes. 6 tonnes. J'ai l'habitude. Que le broussaille est féminin. Alors, non, au début, ça me donne une erreur. Ça le saurait. Que la taille du Sarawil, c'est 36 pouces. Après, on avait dit, et ça a bien. Celui-là, il y a une autre. Mais il n'a pas fait. Ah si, attends, ça a bien, je crois que j'ai fait. J'ai fait le truc, il fallait faire des questions. C'est donc ça. Voilà, sur la j'ai fait la question. C'est le Tassia. J'ai fait le Tassia. Dans Jabat Talia. Makas ou Kamis ici, Khams Asharata Boussa. C'est le Mukamis, c'est le 15 pouces. Alors, Mahwa Makas ou Khamisaka. Khamisik. Boudofilé. Le Makas. Khamisik. Ayo. J'ai entendu Khamisaka. J'ai entendu Khamisaka. J'ai mis comme t'as dit. Khamisik. Abjim, je vous l'attaque. Quelle est la taille de ton famis? Allez. Kara Hassanoun ou Mustafa, Kaimat al-As'ar. Mustafa et Hassan ont lu la liste des prix. Mada, Kara Hassanoun ou Mustafa. Non, ont lu Mustafa et Hassan. Ba'ahuma al-Bay'u bi-Si'alin Rakhis. Que le vendeur leur a vendu à prix pas cher. Bikam, Ba'ahuma al-Bay'a. Là, tu tiens, on va vouloir un adad, un chiffre. Là, c'est Keifa. Ba'ahuma, al-Ba'ya. Kun ba'ahuma, bi-Si'alin Rakhis. Tandis qu'il y a, il faut lui mettre un nombre. Rabi'an, la, la yu'jib, al-Lawn Hassanan. La yu'jib, al-Lawn Hassanan. Que la couleur n'a pas plu à Hassanan. هل يعجب اللون اللون اللون وفاعل اللون سين فاعل يعجب هل يعجب اللون حسنا نعم اسكو لا كولور بلا حسن خامسا شكرهما البائع que le vendeur les a remerciés tous les deux من شكرهما ماذا فعل البائع qu'est-ce qu'il a fait Chakarahuma al-Bayo. Maintenant, tu peux dire même Man Chakarahuma ou Chakarahuma al-Bayo. Il y a plusieurs. C'est bon, Man Chakarahuma. Voilà, c'est bon. Chakarahuma. Makboudi. Hadihi Kaimatul Asar. C'est la liste des prix. Mahadihi. Non, Mahadihi. Arsène. Ah, c'est tout ce qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Pour Raden, c'est notre profil d'Es. Alhamdulillah, c'est des vers qui sont courts. Et il se peut que Asa en a trop la fin qui t'a l'arabe en bas. Parce que je vois que ton Mustawa est largement suffisant. Après cela ? Mazé. La fin de Thalith, Mazon, Martej, je veux dire. La force Ben Ahouma, pas dit. Entre le 3 et le 4, la force, pas dit. Ça n'a chauffé, ça n'a pas dit, Inch'Allah. Ça n'a pas dit, c'est un mot. Taïf, il y a un mot. Alhamdulillah, il y a un mot.